19e chapitre. Comment le trésor des Nibelungen fut apporté à Worms. La noble Kriemhild étant ainsi devenue veuve, le comte Eckewart demeura auprès d'elle dans le pays avec ses hommes. Il la servait chaque jour et souvent se joignait à sa dame pour pleurer son seigneur. À Worms, près de la cathédrale, on lui charpenta une demeure large et haute, grande et riche, où elle demeura privée de toute joie avec sa suite. Elle se rendait volontiers à l'église et y trouvait quelque consolation. Elle allait chaque jour, l'âme attristée, à la tombe de son bien-aimé. Bien rarement elle y manqua, et elle priait le Dieu bon de recueillir l'âme du héros. Que de fois elle le pria d'un cœur fidèle. Watt et sa suite la consolaient à toute heure. Il y avait dans ce cœur blessé un si effroyable vide que rien ne pouvait le remplir, quelque consolation qu'on lui offrit. L'angoisse de revoir son doux ami était plus grande que ne fut jamais désir de femme vers un époux bien-aimé. À cela, on pouvait reconnaître sa grande vertu. Elle gémit jusqu'à la fin, tant que dura sa vie, mais bientôt elle se vengea cruellement l'épouse du hardi Siegfried. Elle demeura ainsi dans sa douleur, ceci est certain, 3 ans et demi depuis la mort de son époux, sans dire un mot à Gunther et sans voir jamais pendant ce temps son ennemi Hagene. Hagene de Troneil parla au roi. « Ne pourriez-vous agir de façon que votre sœur redevienne votre amie? Ainsi Lord des Nibelungen arriverait en ces pays. Vous pourriez y gagner beaucoup si la reine nous rendait sa confiance. » Le roi répondit. Nous l'essayerons. Mes frères sont près d'elle. Nous les prierons d'intercéder afin qu'elle nous rende son amitié et qu'elle voie volontiers que nous possédions le trésor. « Je ne crois pas, » répondit Hagene, « que cela puisse jamais arriver. » Gunther fit appeler en son palais Ortwin et le margrave Ger. Puis, quand ils furent là, on introduisit aussi Gernot et le jeune Giseler. Ils intercédèrent amicalement auprès de Dame Kriemhild. Gernot, vaillant parmi les Burgondes, parla. « Vous pleurez trop longtemps la mort de Siegfried, ô dame. Le roi veut vous démontrer que ce n'est pas lui qui l'a tué. On vous entend toujours gémir si lamentablement. » Elle répondit. « Personne ne l'en accuse. C'est la main de Hagen qui a frappé Siegfried. Quand il a appris de moi où l'on pouvait le blesser, comment pouvais-je deviner la haine qu'il lui portait ?»« Ah, que n'ai-je évité ?» ajouta la reine. De trahir le secret de son beau corps. Je n'aurai pas à pleurer maintenant, pauvre femme désolée. Jamais je ne pardonnerai à ceux qui ont commis le crime. » Giseler, le charmant jeune homme, commença de la supplier. Elle dit, « Je le saluerai puisque vous l'exigez de moi, mais la faute, et elle est grande, en est à vous. Le roi m'a causé tant de maux sans que je les aie mérités. Ma bouche lui accordera le pardon, mais mon cœur lui est à jamais fermé. » « Tout ira mieux plus tard, » dirent ses parents. « Peut-être fera-t-il que vous soyez encore heureuse. »« Oui, il vous consolera, » dit Gernot, le héros. La femme accablée de douleur répondit. « Voyez, je fais ce que vous voulez. Je ne me refuse plus à saluer le roi. » Elle, y consentant, il se présenta devant elle avec ses meilleurs amis. Mais Hagen n'osa paraître en sa présence. Il avait conscience de son crime, il lui aurait fait trop de mal. Comme elle voulait bien mettre en oubli sa haine contre Gunther, il convenait qu'il l'embrassât. Si le malheur ne l'avait point frappé par sa faute, il aurait pu hardiment aller la visiter. Jamais réconciliation entre amis ne se fit avec tant de larmes. La perte qu'elle avait faite la faisait souffrir. Elle la pardonna à tous, sauf à un seul. Nul ne l'aurait tué si Hagen ne s'en était chargé. Peu de temps après, ils firent en sorte que Dame Kriemhild fit chercher le trésor au Nibelungenland et le fit conduire au bord du Rhin. Il était à bon droit le sien, car c'était sa Morgengabe, le don du matin que le mari offrait à sa femme. Voir Tacite, la Germanie, chapitre 18. Il en est question dans les plus anciennes lois germaniques, dans la loi Burgonde, entre autres. Pour le quérir, Giselher et Gernot partirent. Kriemhild ordonna à 8000 hommes d'aller le prendre là où il était caché, sous la garde du guerrier Albrich et de ses plus vaillants amis. Quand on vit arriver ceux du Rhin pour prendre le trésor, Albrich le très hardi dit à ses compagnons. Nous ne pouvons conserver le trésor plus longtemps si la noble reine le réclame, car c'est sa Morgengabe. Pourtant, je ne l'eusse jamais livré si nous n'avions si malheureusement perdu Siegfried et la Tarnkap, car il la portait toujours, l'époux de la belle Kriemhild. Maintenant, hélas, il est arrivé malheur à Siegfried, de ce qu'il nous enleva ce héros, le chaperon enchanté, et soumit tout ce pays à sa puissance. Le camérier se hâta d'aller chercher les clés. Les hommes de Kriemhild et une partie de ses parents se tenaient devant la montagne. Ils emportèrent le trésor vers la mer et le placèrent dans leur bonne barque. On les conduisit sur les flots en remontant le Rhin. « Vous pouvez jouir merveille de ce trésor. 12 chariots lourds et grands purent à peine le porter en 4 jours et 4 nuits de la montagne vers les barques, et chaque chariot devait faire 3 voyages par jour. Ce n'était qu'or et pierreries. Quand on en aurait acheté le monde, sa valeur n'eût pas diminué d'un marc. Ce n'est pas sans motif que Hagen le convoitait. Dans le trésor se trouvait une petite verge d'or, la baguette du souhait. Celui qui l'aurait su aurait pu être le maître de tous les hommes dans l'univers entier. Plusieurs des parents d'Albrich partirent avec Gernot. Quand le seigneur Gernot et Giseler l'enfant se furent emparés du trésor, ils se soumirent aussi le pays, les bourgs et mains fiers guerriers. Par force ou par crainte, il fallut que tout s'inclinât devant eux. Quand ils eurent porté le trésor au pays de Gunther et que la reine en eut pris possession, sa chambre et ses tours en furent remplies. Jamais on n'eut parlé d'un aussi prodigieux amas de richesses. Mais quand il y en eut eu 1000 fois davantage, si Siegfried eût pu revivre sain et sauf, Kriemhild serait volontiers restée près de lui, les mains vides. Plus jamais un héros n'aura femme aussi fidèle. Quand elle eut le trésor, elle attira dans le pays mains guerriers inconnues. La main de cette femme donnait tant que jamais on ne vit bonté si grande. Elle pratiquait beaucoup de grandes vertus, on devait l'avouer. Elle commença à donner aux pauvres et aux riches, de sorte que Hagen songea que si elle vivait seulement quelque temps, elle aurait gagné tant d'hommes à son service que mal pourrait lui en advenir. Le roi Gunther répondit « Son corps et son bien sont à elle. Comment l'empêcherais-je d'en faire ce qu'elle veut ? J'ai obtenu avec peine qu'elle cessât de m'en vouloir, et qu'importe à qui elle distribue ses pierreries et son or rouge. » Hagen dit au roi, « Un homme habile ne laisserait rien de ce trésor à la disposition d'une femme. Avec ses dons, elle fera tant qu'un jour viendra où les braves Burgondes pourront bien se repentir de l'avoir laissé faire. » Le roi Gunther reprit, « Je lui ai fait le serment que je ne lui causerai plus jamais de peine, et ce serment, je veux le tenir. » Elle est ma sœur. » Mais Hagen répliqua, « Eh bien, que je sois, moi, le coupable !» Les serments qu'ils avaient faits ne furent point respectés. Ils enlevèrent à la veuve ses immenses richesses. Hagen s'était emparé de toutes les clés. Gernot entra en fureur quand il apprit cette nouvelle. Le seigneur Giseler leur parla. « Hagen a commis une grave offense envers ma sœur. Je m'y opposerai, et s'il n'était mon parent, il le paierait de sa vie. » De rechef, la femme de Siegfried recommença de pleurer. Alors le seigneur Gernot dit, « Plutôt que de troubler notre repos par cet or, il nous le faut jeter dans le Rhin, afin qu'il n'appartienne à personne. » Kriemhild alla en gémissant se placer devant son frère Giseler. Elle dit, « Frère chéri, pense à moi. Il faut que tu sois le protecteur et de mon corps et de mes biens. » Il répondit à la dame, « Il en sera fait ainsi quand nous serons de retour. » Maintenant, nous avons l'intention de chevaucher. Le roi et ses parents sortirent du pays, du moins les plus braves d'entre eux. Seul Hagen y demeura, à cause de la haine qu'il portait à Kriemhild, et ce fut pour le dommage de la reine. Avant que le puissant roi fût de retour, Hagen s'était emparé du trésor. Il le descendit tout entier dans le Rhin, près de Locke. Il espérait pouvoir en jouir, mais il n'en fut pas ainsi. Le mot « Locke », écrit avec une majuscule dans certains manuscrits, signifierait « Lockheim », près de Gernsheim, sur le Rhin, endroit connu dès les temps carlovingiens. Écrit avec une minuscule, il signifierait un gouffre en général, et en particulier le gouffre du Lorelei, près de Saint-Goire. Depuis lors, il ne put plus rien tirer du trésor, comme il arrive souvent aux traîtres. Il pensait en jouir seul tant qu'il vivrait, Mais désormais, le trésor fut perdu et pour lui-même et pour les autres. Les princes revinrent avec leurs troupes nombreuses. Kriemhild commença de se lamenter avec ses femmes et ses filles de la grande offense qu'elle avait subie. Ses pensées étaient amères. Giselher était prêt à faire preuve de son dévouement. Ils se dirent entre eux, « Il a bien méchamment agi. » Hagen se déroba à la colère des princes jusqu'à ce qu'il eût de nouveau regagné leur faveur. Ils ne lui infligèrent aucun châtiment, mais la haine de Kriemhild était portée à son comble. Avant que Hagen de Trondheim fît disparaître le trésor, il s'était juré, Gunther et lui, par le serment le plus solennel, de le garder caché aussi longtemps que l'un d'eux vivrait. De cette façon, aucun des deux ne pouvait ni le donner aux autres, ni en jouir lui-même. Le cœur de Kriemhild était affligé d'une nouvelle douleur. Son époux mort, on venait lui enlever maintenant tout son trésor. Durant sa vie, sa plainte ne finit plus jusqu'à son dernier jour. Après la mort de Siegfried, ceci est la vérité, elle demeura 13 ans en proie à mainte affliction. Elle ne pouvait oublier la mort du héros et elle lui fut fidèle, ainsi l'affirme-t-on généralement. Après la mort de Dankrat, Damwot fonda une riche abbaye princière, dotée de beaucoup de fertiles terres à labour qui lui appartenaient. Le couvent de Lorse les possède encore et il lui en revient beaucoup d'honneur. Lorse, anciennement Lorissa, Lorche ou Laurisheim, près du Rhin, non loin de Worms. L'abbaye de Lorche fut fondée en 764 par Kankor, comte dans le Rheingau, et par sa mère Williswinda, d'origine carlovingienne. Kriemhild donna aussi, d'une main prodigue, une grande quantité d'or et de pierreries pour le repos de l'âme de Siegfried et pour celui de toutes les âmes. On n'a jamais ouï parler d'une femme aussi fidèle. Depuis que Dame Kriemhild, après avoir pardonné à Gunther, avait perdu le grand trésor par sa trahison, les douleurs de son âme étaient mille fois plus poignantes. La noble et haute dame aurait voulu quitter Worms. Une résidence d'une grande richesse fut préparée pour Dame Watt près de son couvent de Lorse. La veuve s'y retira, quittant ses enfants. La noble princesse y repose enterrée dans un tombeau. La reine parla. « Ô ma fille bien-aimée, puisque tu ne peux rester ici, viens près de moi à Lorse dans ma demeure, je t'y laisserai pleurer. » Kriemhild répondit. « À qui donc confierai-je le corps de mon époux ?»« Laisse-le coucher dans sa tombe, » dit Dame Watt. « Ô ma mère chérie, le Dieu du ciel ne le veut pas, » répondit la douce femme. « Je ne le quitterai pas, car il faut certainement que je l'emporte avec moi. » La femme accablée d'affliction le fit enlever hors de sa fosse. Puis, aussitôt après, on enterra ses nobles ossements à Lorse, près du couvent, avec de grands honneurs. Le héros intrépide repose là dans un grand cercueil. Au moment où Kriemhild alla rejoindre sa mère dans le lieu où elle désirait vivre, il lui fallut rester, il devait en être ainsi. Elle fut retenue par des nouvelles qui arrivèrent de bien loin au-delà du Rhin.